Yeah. Oh, oh, oh, oh. Cha, cha. Yeah. Let's get it. Elle est ma manière de faire. Tout ce que je fais, c'est l'étang. Elle sait très bien que je suis dans le bec. Je fais du bif, je fais mes jets. Que j'agis, je ne perds pas de temps. Elle veut un mec du bendo. Bendo, bendo, bendo. Elle veut un mec du bendo. Bendo, bendo, bendo. Yeah. Tu me connais, c'est ma manière d'être, bébé. Je viendrai te voir, d'abord je fais des lovés. T'inquiète pas pour moi, ils goûteront le sol, bébé. C'est pour mes hits, pas pour faits divers, je passe à la télé. Compliqué, oui. Là c'est compliqué, oui. J'ai des choses à faire, j'ai pas le temps de te plaire. J'ai confié la paix, pour acheter la paix. J'ai lancé la guerre, tu soigneras mes plaies. Le jour où je mettrai un genou à terre, ça sera pour demander de m'épouser. Mais pour l'instant, baby, je suis dans le bex, dans le bex. Elle est ma manière de faire. Tout ce que je fais, c'est élégant. Elle sait très bien que je suis dans le bec. Je fais du bif, je fais mes jets. Que j'agis, je ne perds pas de temps. Elle veut un mec du bendo. Bendo, bendo, bendo. Elle veut un mec du bendo. Bendo, bendo. Moi j'ai pas fait de longues études, j'ai appris à couper le bédo. Armé je peux faire ta sécu. Mon nom te fera honneur. Zap tes copines les clubeuses. Elles voudront pas ton bonheur. Elles-mêmes elles sont pas heureuses. Je peux pas faire Casanova. Quand on passe en Gora, le premier qui couma. Un clin d'œil Icoma. J'étais au pied de la montagne, ils jetaient leurs pierres sur moi. Maintenant que je suis au sommet, c'est moi qui serai là pour toi. Le jour où je mettrai un genou à terre, ça sera pour demander de m'épouser. Mais pour l'instant, baby, je suis dans le vent, dans le vent. Elle est ma manière de faire. Tout ce que je fais, c'est l'état. Elle sait très bien que je suis dans le bec. Je fais du bif, je fais mes jets. Que j'agis, je ne perds pas de temps. Elle veut un mec du bendo. Bendo, bendo, bendo. Elle veut un mec du bendo. Bendo, bendo, bendo. Elle veut un mec du bendo. Elle est ma manière de faire. Elle est ma manière de faire. Tout ce que je fais, c'est élégant. Tout ce que je fais, c'est élégant. Elle sait très bien que je suis dans le bain. Je fais du beat, je fais mes dièses que j'ai.